m'attend pas trop longtemps, à l'ombre fraîche des menhirs, la lande restera la même, avec fougères et bruyères. La côte gardera sa rage, et le froid crachin son rire, pour des souvenirs amers quand je passe, et je t'oublie. Et je t'oublie. Ton amour sera silence, tes instants seront des jours d'ennui et de temps trop lourd pour une vie de grande absence. Tu retrouveras les plages où mer et rochers s'aiment, les tristes blocos y rêvent, il fait froid. Et je t'oublie. Et je t'oublie. D'entendre sonner le tocsin, quand les femmes attendent pour rien, quand le phare se jette au temps, tu apprends par le coup du vent pour oublier. Pour oublier. Tu compteras chaque seconde, tu t'inventeras des forces, tu t'achèteras des amours, puis tu t'habitueras aux autres, à la certitude de tes nuits, t'abandonnant au sommeil, et quand chaque jour se lève, te dire encore que je t'oublie, que je t'oublie. D'entendre sonner ce tocsin, quand les femmes attendent pour rien, quand le phare se jette au temps, tu apprendras le goût du vent. Déménir la lente restera la même, avec fougères et bruyères, la côte gardera sa rage, et le froid crachin son rire, pour des souvenirs amers quand je passe, et je t'oublie.